Benvinguts una setmana més a Hola la Música amb Rafael Corbí. És bona, és bona de veritat, i la seva ho és. Avui escoltarem artistes que ja en alguns programes us hem emportat de la música, de la música en francès, i són artistes genials, fantàstics, d'estils diversos, però a Mel Vent es troben aquestes, d'ascendència africana, nord-africana. És una cantant de rhythm and blues, de pop, amb aquest pop fort i preciós que té, de pare algerià, de mare marroquina, criada a La Courneuve, a un suburbi de París, i que va néixer el 21 de juny de 1985. Havíem escoltat alguns dels seus àlbums. Ella es va donar a conèixer a Novella Star, és l'artista d'aquesta sèrie televisiva, d'aquest programa televisiu que ha venut més en discos. També és coach de The Voice, La Plus Belvoir, i també va participar en Dance Avec Les Stars, ballant amb les estrelles, on va quedar segona i va guanyar l'especial de Nadal en Christophe Licata. És una artista que a mi m'encanta. Hem escoltat en tres programes els seus primers àlbums, que arrencaven des del 2004. Aquest és l'Instinct, un disc del 2014, del qual hem escoltat aquest tema, Quan la música és bona, Quan la música és bona, amb Soprano, que també perteneixia al volum 2 de Generation Goldman. I ara escoltarem diverses de les cançons que varen sortir com a senzill. Ma Chance, Sans Toi, Regard de Noir i En Silence són els temes que ens aportarà aquesta fabulosa artista Hola la Música avui, des d'aquest disc de 2014, aquest Instinct, amb les seves cançons, Amel Vent. Moi je n'étais rien que celle qu'on abandonne. Comme toi, je n'ai pas eu d'enfance. Je n'étais qu'un peu de rêve en somme. toi, j'attendais mon tour. Et jusqu'au plus profond de mon cœur, comme toi, j'ignorais qu'un jour. Effacé, j'ai tout oublié.

La bona música i el bon ritme han continuat a través del nostre programa. Això és Hola la Música, amb la música més destacada del món de la música francesa. I així els hem escoltat, perquè ens encanta la seva veu. Seguim a través del nostre programa i ara continuarem amb molta més música, que és per això que esteu escoltant aquest espai. Esteu escoltant Hola la Música. Doncs sí, efectivament, Hola la Music. I quin és el proper protagonista o protagonista-intèrpret que tindrem entre nosaltres? Doncs seguirem amb la música francesa i ho farem amb, novament, una cantant esplèndida que ja hem tingut moltes vegades també entre nosaltres. L'Alizé amb Blonde, el seu disc de 2014. Cançons fabuloses. Notre faible qui nous rend fort, notre cœur bat tous les records. Oh, oh, oh. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est pas de taille pour le combat. On n'a pas fait la guerre, pas mis le monde à l'envers. Pas si fier, pas si fort, faut pacifier. Quand on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Ouh, c'est l'amour encore. Notre faible qui nous rend fort, notre cœur bat tous les. C'est la qu'on enterre, nos batailles, nos hacheurs. cantant Corsa Alizé, que ja ens havia acompanyat amb algun dels seus àlbums, ho fa ara amb el disc Long del 2014. Ja havia passat la seva millor època en quant a èxits. Només una de les cançons, el mateix Blond dels singles, va arribar a entrar a les llistes belgues i molt mínimament els dos senzills que va extreure a les llistes franceses de música. Però tot i així, amb aquest àlbum, que era concretament el sisè de la seva carrera artística, realitzat el 23 de juny de 2014, doncs també va destacar. El disc va ser un número 19 tant a França com a la part francoparlant, francòfona de Bèlgica. Hem escoltat una cançó que us he triat, el Blond, precisament un dels dos senzills d'aquest disc, que és el que escoltarem ara, L'Amour en Foc, era el primer tema que havíem escoltat. Blond i Alcalin, les dues cançons d'aquest disc de l'Alizé. légende. Comme avant, noir et blanc, des filles au ralenti. J'ai pas envie d'être ici. I un darrer tema que triem després dels dos singles de l'Alizé des d'aquest Blonde 2014, Mon Planel, és el darrer tema que n'escoltem. J'ai juste fait pour nous un plan de vol qui est pas très compliqué. On décolle et on revient jamais. Non, c'est pas loin d'ici, le rendez-vous est pris. Mon de l'air, ce sont tes deux bras ouverts pour un pépé, lâche en apesanteur. Tu prends l'écho, monde de mon planeur. Je garde les yeux ouverts, grands ouverts, jamais je n'ai peur. Tu appuies sur on et ça dure des heures. Ferons tout comme la dernière fois, mais encore mieux. J'anticipe toi qui vise les cieux. Ce n'est pas loin d'ici, je t'attends, j'ai dit. Mon baptême de l'air, ce sont tes deux bras ouverts. Pour un pépé, l'âge en apesanteur. Esteu escoltant Hola la Music amb Rafael Corbí. Doncs sí, i seguirem amb el nostre espai i amb aquests instants que ens queden fins al final. Hem sobrepassat la meitat del nostre programa, tot havent escoltat veus femenines en la Melveng i la Lisè que ens acompanyava. És el moment d'escoltar amb alguns artistes diversos aquesta història de la música de la cançó francesa. I avui us porto unes cançons que ens aporta en Dani Vautreau. Concretament aquest artista ens portarà en primer terme una cançó que es diu Aviento. Elle prend toujours un avion pour nulle part, s'inventant un scénario où seule elle est la star. star. Quand elle n'a plus goût de rester sur terre, elle n'a qu'à s'envoyer en l'air et poser sa candidature pour être élue Miss Canadair. Elle prend toujours un taxi pour fuir les nymphos, les machos et les durs à cuire. Elle saute dans le premier taxi, demande au chauffeur d'Haïti d'ensorceler tous ses voyous d'un de ses rituels vaudous. Elle prend toujours un train pour aller plus loin. Quand elle n'est plus capable d'entendre baiser ses voisins, dans un wagon se fait bercer en faisant semblant de sommeiller, car c'est l'unique solution d'éviter toute conversation. Prend toujours un bateau pour se libérer. Quand elle se sent trop grounded, qu'elle a besoin de déconnecter. Quand le mal de terre lui prend et qu'il ne reste qu'à foutre le camp, démêle les branches, coupe les racines et part pour noyer sa routine. Elle a cessé de prendre le métro, peut plus sentir le clan urbain, métro, boulot, dodo, les traffic jams à ne plus finir, les bruits qui l'empêchent de dormir, les bonhommes verts à chaque coin de rue, la pollution, elle n'en peut plus. La campagne change systématiquement son quotidien. Son épicier se trouve au métro, elle regarde pousser les bouleaux, et c'est sur un accord de do qu'elle vous dit à bientôt. À bientôt, à bientôt, à bientôt, à bientôt, à bientôt, à bientôt. À bientôt, à bientôt. Aquest personatge que avui també escoltarem és un altre d'aquests artistes canadencs que ens ha arribat amb la seva música, cantant en francès. El 18 de març del 1967 va néixer a Petit Rocher, al Canadà, i avui ens aporta la seva música. Aquest, com els agrada a ells, perquè venen d'aquest antic nom, els Acadians, el cantant i compositor Danny Vaudreau, amb cert èxit en la seva regió amb els darrers 40 anys. L'escoltem amb més cançons, A l'ombra dels pins, A Minfretons o A Vectua, són temes d'en Dani. Assise sur un banc de pierre par aux ombres du soleil, murmure au vent tous ses secrets, chantonne dès que le jour se lève. Assise en face de la mer, caresse les moutons du ciel, dessine les contours discrets des anges aux senteurs salines. À l'ombre de pins, les images des filles, toute une vie rempli et tranquille. Le sourire et le cri des bambins, elle peut nous dire ce qu'on sera demain. L'avenir, la route et le refrain qui nous ramènera à l'ombre des pins. Assise au bout du jardin, elle chante pour les coquillages, des triolets de vagues bleues aux accents doux et joyeux. Assise en face du destin, elle vante les embruns du rivage, lève l'étoile des

yeah, yeah, yeah, yeah. Avec toi, sur le bord de ton corps, je vois les projets de l'aurore gravés dans ton regard, les éclats du départ qui raniment l'espoir. Avec toi, le plus sombre des orages se déploie, n'est plus qu'un beau paysage. Mes complexes m'abandonnent, mes erreurs se pardonnent, tu es plus belle que l'automne. Quand la nuit viendra pour faire mourir le jour, tu peux compter sur moi, je serai ton secours. Ta-da, ta-da, hé. Dans tes plus grands silences, je vois l'amour et toute sa romance. Pas besoin de parler, pas besoin de le dire, on a juste à s'aimer, s'aimer. Quand la nuit viendra pour faire mourir le jour, tu peux compter sur moi, je serai ton secours. Quand la nuit viendra pour faire mourir le jour, tu peux compter sur moi, je serai ton secours. Hey, hey, ton secours. Yeah, yeah. Quand la nuit viendra pour faire mourir le jour, tu peux compter sur moi, je serai ton secours. Quand la nuit viendra pour faire mourir le jour, tu peux compter sur moi, je serai ton secours avec toi. Acabarem aquest recordatori de la música del canadenc Danny Boudreau amb Jacques Jo. Aquesta és la darrera de les 5 cançons que ens ha portat en el programa d'avui d'Hola la Música. Rire des enfants explose jusqu'en moi, comme le doux frisson de chacun de leur part, la chair de leur voix, au son de la lumière, je rentre à la maison, je reviens sur terre. Loin des inconnus, j'éteins les projecteurs, je retrouve la nature et le calme des heures, quelques temps de repos, à mon cœur un répit, je rentre à la maison, je reviens à la vie. Qui me pousse